Quand tu t'isoles, le meilleur FPV est à côté. Tu t'isoles. T'envoies quelqu'un au magasin chercher ton pain pour pas que tu te fasses égraser. C'est toujours quelque chose pareil. C'est toujours quelque chose pareil, même si tu veux t'isoler. Il y a quelque chose pareil. Tu fais attention, tu fais bien attention. Tu fais attention de plus en plus. Tu deviens névrosé complètement. Moi, je suis totalement névrosé. Extrêmement vigilant. Complètement vigilant. Mais c'est la souffrance qui nous amène à la vigilance. Comment qu'on voudrait être vigilant, ils vont vous poigner pareil. C'est une vibration, la vigilance. Tu fais attention à maudit. C'est ça que je dis, éventuellement, tu mets d'ordre dans ta vie. Tu as tellement d'ordre dans ta vie que tu peux plus souffrir. Dans le fond, la souffrance de l'homme, c'est le fait qu'il n'y a pas d'ordre dans sa vie. S'il y avait de l'ordre dans sa vie, il ne souffrirait pas. Et tu sais, c'est fatigant. Ah, ben, tiens-toi pas. C'est toi qui as cherché la conscience. Tu l'as. À la gamme. Des fois, dans le souper, tu dis, wow, tu peux lire voilà, là. Ouais. Ah, c'est ça. C'est juste. C'est vrai? Ah, ouais. Mais t'es pas grave? Faut souffler un peu. Non. Des jobs comme on fait d'abord à mener au propriétaire. Ça va être bien. Quand ça sera le temps. On sait. En tendant à fêter, c'est bien. Ben, on est bien. On sent pas qu'à un certain point. Quand vous serez pas assez, quand ça sera trop tough, puis vous serez pas assez bien, vous devez sacrer les erreurs. Quand t'es pas attaché à la forme, t'as sacré. Quelqu'un qui fait le saut pour la vie, à un moment donné, tu passes quelque chose, puis tu fais des jumps, c'est-tu l'ajustement des corps, ça? Ça nerveux aussi, ça. Ouais, quelqu'un qui n'était pas comme ça, puis qu'à un moment donné, le moindre bruit, il fait un jump, ou bien il se met à crier, ben. C'est parce que le système nerveux devient un petit peu plus réactif. Ouais, parce que c'est. Éventuellement, oui. Mais c'est normal que le système nerveux se développe parce que l'énergisation de l'homme des sens, ça nous rend comme des cordes de raide. On devient des violons. Si ça s'amplifie, à un moment donné, tu t'attaches chez lui, tu sors plus parce que. Quand tu es intelligent, tu as la volonté, tu as trop d'argent. Quand tu es stupide puis spirituel, tu n'as pas de maudit sang. Quand tu as de la volonté et de l'intelligence, tu as tout ce que tu as besoin pour vivre. Tu deviens créatif, tu fonctionnes. Pourquoi tu développes des talents? Tu n'as pas fait tomber la pluie, tu n'as pas fait tomber. On est bourré de talents. On est bourré de talents, mais on ne réalise pas qu'on n'en a pas. Ben. Un gars qui est ingénieur depuis des années de temps, qui est bloqué d'une carrière, il pense pas qu'il y a d'autres talents, mais il y en a d'autres talents, peut-être comme plombier. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'égo. La conscience, c'est pas le fun. Non. Non. Tant qu'on est conscient. Tant qu'on n'est pas conscient. Quand on est conscient, là, ça commence à être le fun parce que tu. Tu ne te fais plus taper les pieds. Non. T'es bien. Quand t'es dans tes deux. Ah, c'est ça, je te dis. Je ne suis pas pour te passer à la mienne. Mais c'est réellement effrayant comment est-ce qu'on s'est fait jouer. Ah! C'est une épouvantail. Puis on se compte des salades, tu sais. On se farie de nous autres. C'est effrayant. C'est pour ça qu'éventuellement, tu n'as pas le choix que de devenir en maudit. Ça, c'est nouveau pour les gens. T'sais. Le concept de l'idée de venir en maudit, c'est nouveau pour eux autres. T'sais. Parce qu'on est supposé être tous des petits minous, des petits toutous. T'es spirituel, t'es pas supposé être venu en maudit. T'sais. L'éducation, ouais. L'éducation. On n'est pas habitué à ça. Pis les grands-maîtres nous disent pas ça dans les livres, que tu te rebelles contre la lumière. Hey, écoute, les livres se vendraient pas. Les gens passeraient tous à la page noire. T'es supposé être tolérant. L'involution. Les gens ne réalisent pas que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit à l'homme par les maîtres, toute la secte, ça fait partie de l'involution pour la progression de l'humanité. pas la progression de l'individu, de l'humanité. On rentre dans le cycle de l'individu, pas de l'humanité. Fini, c'est l'affaire de l'humanité. Les grands maîtres. C'est effrayant. Mais le pire, c'est qu'on ne peut pas le savoir si on ne sait pas. Tu peux pas savoir quelque chose si tu ne sais pas. On est rendu à l'âge où l'homme ne peut plus aller dans une librairie pour s'instruire. L'homme doit aller en lui-même pour s'instruire. Mais pour qu'elle aille lui-même pour s'instruire, il faut qu'il soit suffisamment fort pour absorber les idées qui sont au-dessus de lui et qui font péter les formes de ses idées à lui. Pour qu'il y ait un déplacement dans l'ego. Sans ça, on vit de mémoire. Ça, c'est la mort de l'homme, la mémoire. C'est la mort de l'homme. C'est la mort de l'individu, la mémoire. Il n'y a rien de pire, de plus atroce, de plus dangereux, de plus pernicieux que la mémoire. Puis la mémoire, aujourd'hui, dans le monde occidental, c'est devenu un veau d'or. La mémoire. C'est la destruction de l'homme conscient, la mémoire. C'est la destruction de la conscience de l'homme, la mémoire. Il n'y a rien de pire que ça. On peut-tu faire la mémoire de par nous autres? Ben non, on ne pas de mémoire de par vous autres. Ben, si, se passe quelque chose, puis on ne veut pas, là, que ça rentre, on veut... C'est une autre forme de mémoire. Ben oui. Faut pas penser. On n'a rien à faire, on n'a qu'à subir les changements vibratoires. Moi, je vous parle, là, je vous dis toutes sortes de choses. Il y en a qui ont de l'intelligence, qui peuvent communiquer un petit peu. Des fois c'est tough, des fois c'est loin, des fois ça vient pas de l'air. Mais quand vous communiquez, faut que vous soyez conscient avant de communiquer de ce que vous voulez avoir comme réponse. Vous êtes obligé d'avoir, vous êtes supposé d'avoir la réponse avant que vous demandez la question pour avoir la réponse. Un désir de l'ego. Un désir de l'ego. Oui, ben oui. Si tu veux la réponse. C'est pas ça que je veux dire. C'est jamais ce que je veux dire que tu comprends. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a deux niveaux en nous autres, il y a un niveau que vous appelez vous autres intuitif, puis il y a un niveau télépathique mental. Fait que la plupart des gens fonctionnent au niveau intuitif. Ils ne peuvent pas mettre en mots ce qu'ils savent. Tu sais, vous dites ça des fois, je suis pas capable de mettre en mots ce que je sais. Bon, ça, c'est le côté intuitif. Mais le côté intuitif, il faut qu'il devienne mental. Alors, tu parles du côté intuitif. Tu confrontes au mental. Il faut que la réponse du mental équivale, soit la même que l'intuitif. Ça, c'est un point de référence. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui le sentent, qui le savent, qui le perçoivent. Ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ne savent pas comment l'expliquer. Mais ils savent, c'est de même. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que vous savez, ben à ce moment-là, demandez-le au mental supérieur, vous aurez la réponse. Mais assurez-vous que la réponse soit conforme totalement à votre intuition. Parce que ce que vous savez intuitivement, ça vient de l'âme. Ce qui vous est rapporté par le mental supérieur, ça vient de l'agiteur de pensée. Si vous recevez une réponse qui est conforme avec ce que vous intuitez au niveau de l'âme, il se fait une connexion entre l'âme et l'ego. Mais si vous ne faites pas ça, puis vous intuitez quelque chose, puis vous recevez une réponse qui n'est pas claire, qui ne coïncide pas exactement à ce que vous sentez, automatiquement, c'est parce qu'il y a un manque de connexion entre l'âme et l'ego. Donc, automatiquement, vous vous faites charrier. Alors, peux-tu donner un exemple concret de ça? Bon, l'exemple, c'est elle, ce qu'on disait à soir. Elle se fait dire des fois, « Vas-y donc pas, Une conférence. Mm. Vas-y donc pas. Ça, c'est l'intuition. Si elle demande en haut, pourquoi vas-y pas? Là, ils peuvent répondre, vas-y pas, ils peuvent dire, ah ben, il faut que tu fonctionnes par toi-même, peut-être là, ok, ça c'est bon. Mais si elle est une, on est un, on n'est pas deux, on est un, puis elle a le goût de venir, puis une partie d'elle qui dit, vas-y pas, mais c'est la partie d'elle qui dit, vas-y pas, faut qu'elle se raccorde à la partie d'elle qui veut y aller. Ça veut dire que la partie d'elle qui dit, vas-y pas, elle veut dire quelque chose, mais c'est pas fini. Elle veut dire, vas-y pas, pour qu'elle comprenne l'importance d'être autonome, mais elle peut dire aussi, vas-y, parce qu'il y a d'autres choses à apprendre. Tu comprends ce que je dis? Tandis, parce que si vous allez sur la partie qui dit, vas-y pas, Tu n'y vas pas. Tu te joins que automatiquement parce que tu n'as pas eu toute la réponse au problème. Donc, sa réponse, c'était quoi? Bon, mais on va faire un exemple avec elle. Là. Dans ta tête, là. Mande, pourquoi est-ce que tu es venu? La réponse mentale. Attendez la pensée. Quand je mets une question, attendez la pensée, sans ça, vous répondez à votre égo, ça vaut rien. Attendez que la pensée vienne. Toujours mon égo. Mais ça, vous savez pas qu'est-ce que c'est de l'égo. Ben, en tout cas, il y a... Mande dans ta tête, là, pourquoi est-ce que tu es venu? Qu'est-ce que tu as comme réponse mentale? C'est vide. Ah, tu vois là? C'est vide. La réponse mentale est vide. Autrement dit, tu n'en as pas de réponse mentale. Non. Le reste, c'est tout un mécanisme au niveau de l'ego qui fait partie de toute l'expérience que tu dois dépasser pour en arriver à avoir la réponse mentale. Sans ça, tu vas toujours fonctionner au niveau de ton ego. Tu ne pourras jamais rentrer dans l'intelligence. Mande donc si ça veut, s'ils veulent te parler. Qu'est-ce que tu as comme réponse? Non. Non. Pourquoi? Pas de réponse. Tu vois, tu peux pas forcer une réponse mentale. Tu as eu un non. Mande-toi si c'est vrai qu'ils veulent pas te parler. C'est vrai. Okay. Pourquoi? C'est la réponse qui vient, ça? Doutez pas des réponses qui vous viennent, viande à chien. Je vous le dis 50 000 fois que quand vous demandez une question, puis qu'il y a une réponse, ça vient toujours des autres clans. Comment est-ce que vous voulez rentrer dans votre intelligence si vous apprenez pas à découvrir les jeux de l'intelligence? M'en disons si c'est vrai qu'ils n'ont pas le goût, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai. M'en disons si c'est vrai qu'ils n'ont pas le goût encore. C'est comme si... Là, c'est deux. Là. C'est deux, là. Tu vois, là, c'est deux. Là. Tu vois comment... C'est ça, c'est dur pour l'homme de rentrer dans son intelligence. Puis la raison qu'ils ne peuvent pas rentrer dans votre intelligence, que vous ne puissiez pas percevoir votre intelligence, c'est à cause de vos émotions et votre mental. On est des radios! M'en dis donc si je suis fin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? M'en dis donc si je suis intelligent. Pourquoi? Vas-y, déjà. M'en donc, c'est intelligent, la réponse que tu as donnée. Non. Non. Pourquoi c'est pas intelligent? Pas de réponse. Pour rentrer, quand je vous dis que vous allez être oui d'aller chercher tout, vous n'aurez jamais rien par vous autres. Ils vont jamais rien vous donner. Jamais. C'est un... Il faut que vous vous habituez à aller, aller décrocher. Bon. On parle avec d'autres plans dans notre tête. OK. On ne connaît pas les lois de la lumière. On ne connaît pas les lois de nos émotions. On ne connaît pas les lois de l'esprit. On ne connaît pas les lois du mental. On ne sait pas jusqu'à quel point on est bourré comme des matelas. OK. L'énergie, elle passe pas. Mais on sait une chose. Ça, c'est absolu qu'on sait une chose, c'est qu'on a droit de réponse à toutes nos questions. Mais il y a une condition à ça, c'est qu'on persiste à demander la question. Pour que la réponse qui vient d'en haut coïncide avec la réponse qu'on sait en bas intuitivement, au niveau de l'âme. C'est pour ça que les gens ont tant de difficultés à se comprendre, à se connaître, à se savoir, à se réaliser, à être intelligent. Puis autant c'est facile, autant c'est dur. Mais il faut savoir comment opérer. C'est ça la psychologie du supramental, la psychologie de l'humain, la psychologie de l'âme, la psychologie de l'esprit, la psychologie universelle. La psychologie, la science de l'esprit. La psychologie, c'est de la science de l'esprit. Puis sans science de l'esprit, on est foutu. Parce qu'on est esprit. On fonctionne dans le champ d'énergie de l'esprit. On fonctionne en relation avec l'esprit à tous les niveaux de notre activité. Tous les niveaux. Fait que la connexion, il faut qu'on la fasse. Faut persister à poser des questions. Faut persister à poser des questions jusqu'à temps qu'on soit satisfait dans la réponse. La réponse, la question, ta réponse ne vient pas dans la mentale, qu'elle vienne par le rêve, au moins elle vient, mais il faut qu'elle vienne la réponse. On a le droit de savoir, puis tous les hommes ont le droit de savoir. Puis il n'y a pas un homme qui n'a pas le droit de savoir. Mais si vous ne faites pas attention à la nature de la question et de la réponse, dans ce sens que si la question et la réponse ne conviennent pas à ce que vous savez intuitivement, vous allez vous faire charrier automatiquement. Tu es supposé savoir avant le temps ce que tu vas recevoir après. Je reviens tout de suite à ce que tu dis. Ceux qui ont fait le Ouija board là, dans le temps, là, tu te rappelles quand tu joues le Ouija board, tu sais la réponse avant qu'elle vienne, hein? Ouais. Tu sais avant qu'elle vienne. Puis si elle ne coïncide pas avec ce que tu sais, tu sais que tu sens automatiquement qu'il y a du jeu. On est supposé savoir avant qu'elle vienne la réponse. Parce que c'est instantané l'affaire. Faut qu'on sache les réponses avant qu'ils viennent. C'est pour ça que c'est pas important que l'homme communique. Parce que, une fois que l'homme est conscientisé, il n'y a plus besoin de demander de questions puis de répondre. J'ai pas besoin de demander de questions, moi. J'ai pas besoin de demander de questions. Moi, je parle, je réponds, puis papa, c'est ça qui marche. C'est final. C'est absolu. Ça s'arrête avec moi, ici. Si je leur demande une question, ils vont me dire la même chose que je pense parce que le canal est ouvert, fait que ce qui est en haut est en bas. Mais c'est toujours de même, anyway, ce qui est en haut est en bas. Seulement, ce qui est en haut passe pas comme du monde en bas parce que ce qui est en bas est pas sûr de ce qui est en haut. Puis ce qui est en bas est pas sûr de ce qui est en haut parce que ce qui est en bas est pas sûr de ce qui est en bas. Puis ce qui est en bas est pas sûr de ce qui est en bas parce que ce qui est en bas est pas balancé mentalement et émotivement. Ouais. Fait qu'aussitôt que ce qui est en bas commence à être un petit peu sûr de ce qui est en bas, là, il y a une cloche qui sonne dans votre tête, là, puis là, vous pensez que vous êtes orgueilleux. Ouais, c'est Chris, hein? Ouais. Mais c'est de même. C'est ça que je voulais emmener, t'as l'air. Ouais. Quand tu dis qu'il faut peut-être la réponse avant tout ça, là. Ouais. Mais il n'y a pas possibilité que ça soit coloré par les émotions et la patente. C'est ça que je veux savoir. OK, t'as bien celle-là. Quand tu dis que tout ce qui est coloré par les émotions, les choses sont colorées par les émotions parce que la partie en vous, là, qui sait, là, vous ne l'acceptez pas. Fait qu'automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les émotions rentrent en jeu, puis le mental rentre en jeu. Mais vous savez toujours avant que ça soit coloré par les émotions, puis le mental. Tout le temps. Vous savez, oups, l'émotion rentre en jeu, puis le mental rentre en jeu. Vous savez, oups, l'émotion rentre en jeu, puis le mental rentre en jeu. Fait qu'automatiquement, vous ne savez plus. Vous êtes toujours de même. Vous savez bien les affaires, mais vous ne savez rien, parce qu'aussitôt que vous savez, l'émotion rentre en jeu, puis c'est comme l'eau de la mer sur la plage. Il n'y a pas une vague qui n'attend pas une autre maudite vague. Tandis que moi, quand je suis sur le bord de la plage, les vagues, je les arrête, Charlie, puis je regarde le pattern sur la plage. Quand je veux que les vagues viennent, ils viennent quand je veux. Fait que là, si c'est le temps d'effacer la mémoire de l'expérience, là, la vague, elle l'efface. Mais elle l'efface pas la vague avant que moi, je dise de l'effacer. Mais vous autres, aussitôt que vous savez, l'émotion passe, le mental passe, c'est final, vous savez plus. Fait que je vous dis à vous autres de communiquer pour confirmer ce que vous sentez, pour que le cercle se fasse, pour qu'un jour, vous n'auriez plus besoin de communiquer, vous parlez, puis final, à ce moment-là, vous n'avez plus d'émotion puis de mental qui bloque cette affaire-là, la partie de vous-même qui sait, parce que tous les hommes savent. Tout, il n'y a pas un gars qui ne sait pas. Mais c'est vos émotions et votre mental qui vous empêchent de savoir. Quand je vais vous l'avoir fait réaliser suffisamment pendant les années qu'il m'a parlé, mais à ce moment-là, ça va commencer à se plaire. Là, vous allez commencer à réaliser l'intelligence. Alors, quand on fait ce qu'on veut, là, il y a aussi une question d'entêtement. Ouais. Faire ce qu'on veut, là. Faire ce qu'on veut, là. C'est pas faire ce que tu veux quand tu veux faire quelque chose. Faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on peut. Puis faire ce qu'on veut, qu'on peut, c'est faire ce qu'on sait qu'on doit faire puis qu'on veut faire. C'est volontaire, puis c'est intelligent, puis c'est cosmique, c'est pas humain. Ça n'a pas d'émotion dedans. Toi, faire ce que tu veux, c'est faire ce qui conforme à ton état émotionnel. Tu peux faire ce que je veux, ça. Hey, t'as une minute. Là. Ah oui, mais hey. C'est ça ce que tu sais. Ouais. Tu sais au moins. Hey, faire ce qu'on veut. Faites-vous pas prendre dans ce jeu-là, faire ce qu'on veut. Ah oui, c'est ça. Votre vie, c'est pas de vos affaires. Attendez que ce soit de vos affaires. Là, vous ferez ce que vous voudrez. Mais tant que c'est pas tes affaires, Joe, tu peux pas faire ce que tu veux. Oui. Tu vas faire ce que les autres vont vouloir que tu fasses pour tomber dans la merde. Oui. C'est vrai. C'est des maudits cochons. Mais ils ont toujours raison. C'est des cochons intelligents. Faire ce qu'on veut. Davio, il s'en allait à le nord, l'autre fois. Là. Il voulait se bâtir une maison dans le nord. Papa, il avait tout son plan là, bien monté. Ça a du plop, son affaire. Ouais. Là, là, il est venu, il est dans l'annonce, on s'est vu, on a pris un petit café, puis j'ai dit, pour le moment, peut-être qu'on est allé à Saint-Sauveur, je t'ai amené à Saint-Sauveur. T'sais. Puis il voulait pas aller à Saint-Sauveur. Il dit, on va faire un petit tour à Saint-Sauveur. Puis j'ai dit, ce que tu devrais faire, c'est au moins, pour le moment, déménager dans le nord, puis ensuite, tu peux regarder les terrains, lentement, papapap. Là, finalement, deux, trois semaines après, c'est ça qui est arrivé. Il a fait des mouvements, puis il est rendu qu'il vit à Saint-Sauveur, puis il est loué l'appartement à Saint-Sauveur. Là, ça marche. Toute son affaire à tombe en l'eau. Fait qu'il a pas fait ce qu'il voulait. C'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait s'acheter une maison. C'est pas le temps. Il y a une maison pour lui quelque part, dans le temps, dans des conditions. En attendant, mais là. Pas s'étouffer à la dernière minute. C'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on doit faire. Puis ça, c'est une maudite science, d'avoir ça. Quand tu fais ce que tu dois faire, Charlie, tu fais ce que tu veux. Mais c'est subtil, la différence entre faire ce que tu dois faire et faire ce que tu veux. Pour comprendre ça, faut se péter la gueule. Faut se péter la gueule. Je vous l'ai toujours dit, vous ne connaîtrez jamais l'avenir précis d'un mouvement que vous devez faire dans un avenir approché. Vous allez savoir que c'est dans une direction. Davio, il savait que ça allait dans le nord, il y avait la vibration. Mais il y a une marge entre s'en aller dans le nord et faire ce qu'il veut dans le nord. Fait qu'il fait ce qu'il doit faire. Bon, s'il est conscient, le bonhomme, ben à ce moment-là, il s'aperçoit que ce qu'il doit faire, ben, ça coïncide avec ce qu'il veut faire pour le moment. Mais c'est pas ce qu'il veut faire complètement. Fait que là, il y a encore la petite tension. Mais ça, c'est encore l'énergie qui va l'amener à faire d'autres mouvements. Au moins, il sort de Montréal devant le nord et la paix. C'est vraiment ça qu'on doit faire, ils vont créer justement des situations pour que ça se passe comme ça. Il écrit tout le temps les situations. Il écrit tout le temps, la vie ne nous appartient pas. Il écrit tout le temps, depuis qu'il y a tout le monde qui écrit les situations. Mais c'est un moyen de vivre ça pour pas que ce soit fatigant qu'on est dans une heure. Oh, moi j'ai tout. Il n'y a pas moyen d'avoir de pré-lunch, ça y est pas. Vous faites mourir, vous autres. On a qu'une vie. On n'a pas qu'une. On est chanceux si on a la dernière. On est chanceux si on a pile. Puis si tu veux une vie comme du monde des galettes. Ouais. Dans le but. C'est plutôt ça. T'es tout un moineau, toi. Ah. Toi, tu t'adores la pilule. Mais tu t'en viens. Mais c'est lent. T'avances, tu recules, t'avances, tu recules, t'avances. Tu vas sideways des fois, sideways. Mais ça avance. Une motion. Ah oui. Ben, j'ai rien à faire, attends. Ben, je comprends. Quand tu fais ce qui te plaît quand ça te plaît, c'est une émission de travail. Quand tu fais ce qui te plaît quand ça te plaît, tu bouilles ton lait quand ça te plaît, c'est parce que tu dis à sa table. Mais quand tu n'as pas sa table, c'est un autre pire de manche. Quand tu as de l'argent en banque, tu vas l'enfer, tu y vas. Ouais. Parce que tu as de l'argent en banque, mais quand tu n'as pas d'argent en banque, tu veux y aller, c'est un autre pire de manche. Hein? Tu peux pas y aller en avion, tu vas sur le pouce. Si la vibration est assez forte, tu vas y aller sur le pouce. Mais c'est pas de même, tu veux y aller, tu veux y aller en avion. Ouais. Faut que tu attends. Tu m'as dit, faut que l'intelligence vienne, puis la volonté des îles vienne, puis que. Whatever. On n'a rien à faire à part d'avoir de la volonté. Développer la volonté. On n'a rien à faire, point final. Tu vois, là, la subtilité dans ton esprit. Ouais, ouais. Ouais, je fais ça, là. Parce qu'il y a une partie de toi qui veut faire quelque chose. Il y a une partie de toi qui veut s'améliorer. Il y a une partie de toi qui veut faire quelque chose, tout s'améliorer. Ils vont te mettre à l'aise. Garantie. Quand ils me disent, moi, on doit souffrir la lumière. Ça veut dire qu'on doit souffrir sa pénétration, développer les corps pour l'absorber et puis souffrir la lumière. Puis à ce moment-là, s'en servir. Mais il faut qu'on la souffre, la lumière, tu sais, à ce moment-là. C'est toi que l'initiation solaire, c'est pas un cadeau. Puis les gens ne savent pas que c'est pas un cadeau. Puis les gens pensent que c'est un cadeau. C'est pas un cadeau, l'initiation solaire. C'est un cadeau après, quand tu l'as fini. Là, c'est un cadeau. C'est un maudit prix à payer. Mais alors, pourquoi il y a des gens qui sont plus faciles que d'autres, finalement, tu sais? Parce qu'il y en a qui sont plus évolués que d'autres. Ah bon, il y aurait une affaire. Non, là, on retourne encore du chien en mer. Sacrément. C'est bien, sacrément. Ah, oui. C'est pas personne qui a vu pour moi. Comprenez donc que vous avez toutes des personnalités qui valent rien. Puis les personnalités qui valent rien sont la structure dont ils se servent pour vous amener à l'éther. Ils s'en crissent comme dans la 40, vos personnalités. D'abord, toutes les gens qui viennent d'un séminaire, c'est toutes des yo-yo. Toute la gang, c'est des yo-yo. J'en connais pas, moi, des brillants. C'est toutes des yo-yo. Parce que tant qu'on est inconscient, on est des yo-yo. Comment t'as un doctorat, t'es un yo-yo pareil? On est tous des yo-yo. Mais on devient avec le temps intelligent. À ce moment-là, c'est notre belle amende. Fait que nos personnalités servent. Quand je vous dis qu'on a toutes des failles dans vos personnalités, je pourrais toutes vous les donner vos failles dans vos personnalités. Ça sert pour la transmutation des corps. Fait que c'est une petite personnalité, mais c'est une petite personnalité. C'est à toi de réaliser que t'es ce que t'es. Puis pas t'en faire avec ce que t'es. Tu commences à t'en faire, mais là, tu vas commencer à avoir des tensions. Commence à te penser ce matin, puis commence à faire comme lui, là, le Bernard Labelle. Il commence à se penser ce matin. Personnalité. Moi, j'ai l'intention, mais vite, je sais pas s'il y en a des psychologues parmi vous autres, mais il y en a d'autres dans les autres sections. Là. J'ai l'intention de tout amener les psychologues ensemble, là, à mes frappes, à mon temps, une journée. Là, puis je vais commencer à vous amener un tape recorder. Puis je vais commencer à répondre à vos questions. Avec les psychologues, ceux qui sont en psychologie, ceux qui sont à l'Université de Montréal, là. Puis, amener toute votre machinerie, là. Moi, je vais parler. Je vais commencer mes. Personnalité. Maudite personnalité. Il y en a un qui a changé de personnalité, c'est lui, au but. T'as pas un cadeau quand je l'ai rencontré au but. Mais il commence, sa personnalité, là, commence à fitter avec son esprit au but. Il commence à avoir clair au but. Il commence à être calme dans son mental. Il commence à pas être énervé dans son émotionnel. Il a de la communication avec sa femme. S'ils se prennent moins au sérieux, ils perdent le vampirisme parce que tous les égos, c'est vampiré. Il commence à être du bloc. Personnalité. Ça va pas de la merde, la personnalité, au service de l'ego. Ça va rien. La personnalité, il faut que ce soit au service de l'esprit, pas de l'ego. C'est au service de l'ego, final. On passe notre temps à faire des gaffes. La personnalité, c'est faite de toutes vos émotions. C'est faite de votre mémoire, votre personnalité. Votre mémoire, c'est votre personnalité. Demandez-moi, si quelqu'un me demandait ce que c'est la personnalité, je dirais sa mémoire de l'homme. Sa mémoire de l'homme. Personnalité. Puis alors, il y a des petites personnalités, puis souffre d'une petite personnalité. Tu ferais pas de votre mémoire? Tu as une petite personnalité ou tu as une grande personnalité, c'est de la personnalité pareille. Personnalité. C'est pas facile de perdre la mémoire. C'est pas facile de perdre notre personnalité. La transmuter, cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est, ça, ta personnalité? Qu'est-ce que c'est, ça, la personnalité? Qu'est-ce que c'est, ça, la personnalité? Bah, c'est ça. C'est une illusion. Il dit dans ton cas, c'est une illusion. Comment ça se transmet? Perdre la mémoire. Quand tu perds la mémoire de toi-même, t'as plus de personnalité. Tu n'as plus de mémoire de toi-même, où ce que t'es? T'es nulle part. Mais il faut être bien, bien conscient après nulle part. Quand t'es nulle part, t'es bien. Tu souffres pas de rien quand t'es nulle part. Parce que t'es pas attaché à ce que tu vois, t'es pas attaché aux impressions. Si quelqu'un sac après tout et dit que t'étais sans dessin, t'es nulle part, tu sens rien. Mais si t'es quelque part, là, tu sens quelque chose. Ta petite personnalité, elle va te foutre ou te faire faire quelque chose? Quand t'as la petite personnalité, tu fais plus rien. Quand tu fais plus rien, tout se fait. T'as plus rien à faire? Qui t'a à faire? Moi, je fais rien. Vous autres, vous avez l'impression que je fais quelque chose parce que vous voyez avec vos yeux. Je fais rien. T'es nulle part. Mais vous n'êtes pas capable d'être dans l'une tout le temps. Si vous étiez capable d'être dans l'une tout le temps, vous seriez conscient. Être conscient, c'est être dans l'une tout le temps. C'est ça, être conscient, c'est être dans l'une tout le temps. Autrement dit, être en dehors de ta personnalité. Quand les enfants vont à l'école, ils sont dans l'une, on les blâme. Pourquoi? Parce qu'on veut les ramener à leur personnalité. Ah, c'est une évasion. Ma petite, elle dit, j'étais dans la lune, elle dit, mais là, ça va chicaner, parce que j'étais dans la lune. Je dis, reste là. Si eux autres, elle décroche pour qu'elle pense à nous autres à la maison, pour qu'elle pense à son mari à la maison, c'est parce qu'elle décroche pour qu'elle se relaxe. Là, la maîtresse, elle dit, reviens dans ta personnalité. J'ai dit, caution. C'est une relaxation être dans la lune? Quand t'es conscient, mais t'es où relax, t'es où dans la lune? Une preuve, tu peux pas penser. Dans la lune. Mais on se comprend mal. On sait pas comment est-ce qu'on fonctionne. On sait pas comment est-ce qu'on fonctionne. C'est effrayant. Moi, je l'ai rencontré sur la rue une fois, lui. Il m'a pas vu pendant deux. Moi, je passe à la rue, je vois du monde, le balcon, bonjour, je sais que j'ai voué. La conscience amène mes yeux, puis je vois le gars sur le balcon. Que je connais. Lui, il s'en va, il est comme un soldat. La tête penchée à la terre. Là. Sérieux comme un pape. Parce que ta vibration, elle passe pas. Fait qu'elle ne tourne pas ta tête. Fait que tu vois pas. C'est quoi un rapproche, une observation? T'as la souffrance. Prends elle. Elle a goûté aux souffrances. L'affaire, c'est pas qu'il faut pas. Les gens pensent qu'il faut pas souffrir. C'est pas qu'il faut pas souffrir. Il faut les dépasser, les maudits souffrants. Là, tu souffres plus. Si vous pensez que vous n'avez pas souffrir, vous avez du chemin vert. Que vous soyez conscient ou inconscient. Il s'agit de dépasser complètement la souffrance pour plus souffrir. Ça veut dire. Pardon. Qu'il faut abattre les conditions qui les créent, les souffrances. C'est là la volonté de l'intelligence. Fait que quand tes abats et conditions qui te font souffrir par l'intelligence de volonté, tu ne souffres plus. Elle commence à plus souffrir, elle commence à plus souffrir. Elle commence à comprendre qu'est-ce que c'est la souffrance, elle. Il ne s'agit pas de pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. On est dans un médium, on est influencé par des planètes à gauche et à droite. Comment tu ne veux pas souffrir? Pas souffrir, il faut détruire les conditions de la souffrance, mais ça prend une maudite volonté de l'intelligence. Les gens disent, la souffrance, l'initiation solaire. Alors, vos vies, vous avez la chance, vous autres, de faire des belles vies. La belle, il y a un garage, il fait de l'argent comme de l'eau. Il y a une belle maison, il y a une famille comme du monde. Qui c'est qui a de problème? Il y a son ventre, d'accord. Éliminons le ventre, la maladie de son ventre. Une belle vie. Mais pourquoi est-ce qu'il y a son ventre? Parce qu'il s'est tué pendant 15 ans à faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. C'est là qu'il y a toute une maladie dans son ventre. Pas de raison pour faire une belle vie. Si vous travaillez, vous avez un job qui vous plaît, vous êtes en santé, vous avez de l'intelligence, puis vous savez que vous allez quelque part, vous n'avez pas de raison pour ne pas faire une belle vie. C'est pas comme si vous étiez fusionné. Fusionné, tu ne peux pas en faire une belle vie. Tu fais une belle vie quand c'est le temps. Mais vous autres, vous avez une chance de faire une belle vie. Si vous ne faites pas une belle vie, c'est de vos fautes. C'est de votre faute. C'est mauditement de votre faute. Au but, il commence à faire une belle vie. Là. Il est prêt à s'organiser une patente à Montréal pour que ça marche, pour que ça rapporte d'argent quand il est dans le Nord. T'es intelligent, ça, Chris. C'est de même qu'on vit. Une belle vie. Les gens ont chance de faire une belle vie. C'est une histoire, c'est la souffrance. Il y en a de la souffrance parce que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Si les gens comprenaient ce que je veux dire, les gens ne souffriraient pas. Je suis venu ici pour empêcher l'homme de souffrir pour rien, pour faciliter le passage. Belle vie. Croteau fait une belle vie. Croteau, ça n'a pas de problème. Ça, c'est gras qu'on est. Pas de problème. Pas de belle vie. Il y a bien du monde qui font des belles vies. Les gens qui font pas des belles vies parmi vous autres, c'est parce que vous avez des maudites émotions, vous avez des maudites illusions, juste qui tombent. Puis quand ils vont tomber, vous allez faire des belles vies. Ça va pas prendre 20 ans de faire une belle vie. Tu n'as pas une job. Trouve-toi-en une job, il y en a des jobs. Comme ça, tu t'en trouveras un autre. Tu l'ajusteras. Vous n'avez pas de raison pour ne pas faire de belles vies. Vous avez bien des raisons pour en faire une. Faire une belle vie, ça prend l'intelligence de la volonté. Tu n'as pas d'avoir une intelligence et une volonté à tout casser. Tu manques une haine qui est réelle. Tu fais une belle vie. Vous avez l'intelligence de la volonté à la mesure de votre être, à la mesure de ce que vous avez à faire. Vous avez une belle vie. D'accord, tu peux pas faire une belle vie tout de suite parce qu'il y a des conditions. Davio, c'est un exemple, il y a des conditions. Puis, il y a un plan, Davio. Puis rien que ça, il vient de ce plan-là dans la tête. Puis il comprend son plan, puis il voit son plan. Là, il faut qu'il attende. Mais au moins, quand tu as un plan dans la tête, tu sais où ce que tu t'en vas. Mais tu t'en vas vers une belle vie. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans votre vie, c'est évident que vous ne pouvez pas faire une belle vie. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire dans votre vie. Moi, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de sympathie pour l'homme. Je sympathise avec l'homme, j'ai pas de sympathie pour l'homme. Je dis pas si on n'avait pas de connaissance sur la terre, d'accord? Je parle pas de l'homme en général, là, je parle du monde que je connais. Si on n'avait pas de connaissance, si on ne savait pas ce qui se passe, là, c'est un autre pays de manche. Je serais dans la même situation que vous autres. Je ferais de la philosophie. Mais quand on commence à savoir ce qui se passe, qu'on commence à comprendre ce qui se passe, vierge, il est temps qu'on se grouille le cul et qu'on s'organise pour avoir une belle vie. Contredis, Bernard, tu viens de dire tantôt qu'on ne savait pas. On ne sait pas. On ne sait pas quoi? Je me contredis jamais. C'est toi qui penses que je me contredis parce que tu ne comprends pas ce que je veux dire, parce que tu essaies de comprendre ce que je veux dire, puis tu ne comprends pas ce que toi, t'es. Quand tu comprendras ce que t'es au niveau émotif et mental, tu verras, je ne me contredis pas. C'est bien simple ce que je dis. C'est consistant. Un homme ou un gars comme moi, il ne peut pas se contredire, c'est impossible. Si je me contredisais, moi, je ne pourrais même pas comprendre ce que je dis. Contredire. Le fait que tu dis que je me contredis, c'est une preuve que tu ne comprends pas ce que je dis. Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est parce que tu ne comprends pas ton intelligence. Quand tu ne comprendras pas ton intelligence, tu ne seras pas ton intelligence. Tu ne pourras pas comprendre ce que je dis, mais automatiquement, tu vas penser que je ne suis pas contredit. Je ne peux pas parler de toi même qui me contredit. C'est impossible, je suis pas très. Le médecin là-bas, il m'a mis à Grand Baptiste. On l'a dit. Tu peux dépasser les mots que tu utilises. Bon, c'est un exemple, elle. Elle est venue à un séminaire, ça ne fait pas longtemps, elle commence à comprendre ce que je veux dire. Elle commence à comprendre pas mal vite à part de ça. Au séminaire, elle aussi a pensé que je me contredisais. Faut dépasser les mots que je dis, exactement. Si vous accrochez aux mots que je dis, ben, ils peuvent me faire une faute dans ce que je dis, puis vous allez vous accrocher à un mot, vous allez pogner une faute. Accrochez-vous pas aux mots, puis ils font exprès. Hey, t'as une minute, c'est pas des câbles. Ils peuvent me faire une faute, rien que pour toi. C'est essentiel qu'on fasse une belle vie. C'est essentiel qu'on fasse une belle vie. Mais il y a trois choses pour faire une belle vie. Il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut être éclairé de ce qu'on fait, il faut trouver ce qu'on va faire. Faut être écœuré de ce qu'on fait. Si t'es pas écœuré de ce que tu fais, tu peux pas faire une belle vie. À ce moment-là, tu restes avec. Une fois que tu es dans l'énergie, tu commences à comprendre ce que tu veux faire. Parce que l'énergie, elle coïncide toujours avec un plan de vie qui se rapporte à l'exécution vibratoire de la lumière dans tes corps. Une fois que tu es dans cette énergie-là, ben, automatiquement, tout tourne autour de cette énergie-là. Tout tourne autour de ça. Les mots sont simplement des véhicules temporaires pour balancer l'énergie, pour la réexpliquer, pour la faire la voir à un certain point. Mais tu ne peux pas t'y attacher. C'est comme ça n'avait plus d'importance. Non, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance parce que tu sors de la mémoire. Quand tu sors de la mémoire, ça n'a plus d'importance. Ma femme m'a dit quelque chose hier extraordinaire. J'ai dit à ma femme, maudit que tu es intelligent. J'ai dit, quelle différence qu'il y a entre ton intelligence et mon intelligence? Elle dit, moi, j'ai une intuition parfaite. Toi, t'as un mental parfait. Hein? Pour qu'une personne qui n'est pas fusionnée dise qu'elle a une intuition parfaite, il faut qu'elle ait une intuition parfaite. Parce que l'ego se refuserait de dire ça. Puis quand elle me dit que j'ai une intuition parfaite, j'ai dit, viens. J'ai dit, c'est vrai, t'as l'intuition parfaite. Autrement dit, ça a permis de développer encore la situation, puis de faire comprendre quelque chose pour des affaires que j'ai à dire, ainsi de suite. Puis c'est le même que les gens fonctionnent. Les gens ont, tant que les gens ne sont pas fusionnés, n'ont pas une intelligence parfaite, mais ils ont une intuition parfaite. Puis de leur intuition parfaite, ils peuvent développer l'intelligence qu'ils ont besoin pour parfaire ce qu'ils savent au niveau de l'intuition. Pis c'est ça qu'on sert dans la vie, qui nous fait nous organiser des vies comme du monde. L'intuition parfaite. Comme elle, cette femme-là, elle a une intuition parfaite. Mais son intuition devient de plus en plus parfaite. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle a une intuition parfaite. Puis elle l'a depuis longtemps, cette intuition parfaite-là. Mais l'intuition devient de plus en plus parfaite. Ça veut dire que son intuition, à cette heure que les sens s'ouvrent, devient de plus accordée à son mental pur au lieu d'être accordée à son mental inférieur. C'est ça qui crée des tensions pendant toute sa vie parce qu'elle avait l'intuition parfaite, puis le mental inférieur n'était pas capable de coordonner l'intuition parfaite avec ce que le mental inférieur pensait de l'intuition parfaite. Fait qu'automatiquement, il y avait des parties d'elle qui étaient parfaites, solides, inébranlables, puis il y avait un mental qui n'était pas capable de raccorder ça avec ça. Fait qu'automatiquement, ça crée une tension dans la personnalité, puis éventuellement, c'est ça qui mène à l'agressivité. Une fois que c'est parti, cette affaire-là, rien que dans l'intuition parfaite, puis que le mental voit comment le mental fonctionne, puis que le mental comprend comment le supramental fonctionne, à ce moment-là, le mental laisse place au supramental et permet au supramental de se développer en permettant à l'intuition parfaite de remonter, monter, monter, monter, jusqu'à temps que ça devienne supramental. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu parles du monde de même. Tu parles à toi, ou tu parles à eux autres. C'est la même énergie tout le temps. C'est un raccordement parfait entre deux ans. Et c'est ça qui est dur. Puis les gens n'ont pas toute la vibration pour ça. Ça fait pas longtemps, je l'ai vu, ça fait un mois, hein, séminaire. Puis plus les gens, écoutez ça, puis ça, j'explique son phénomène à elle. Quand tu as une intuition, il y a des gens qui viennent des signes qui ont une intuition parfaite. Mais si le mental inférieur est trop plein de forme, puis moi je suis là, moi j'ai une intuition parfaite, un mental parfait, puis la personne a une intuition parfaite, puis un mental qui n'est pas parfait, automatiquement, il y a un conflit entre la personne et moi, parce qu'il y a des parties du mental qui ne comprendront pas ce que je veux dire par mon intuition parfaite et mon mental parfait, parce qu'il y a une intuition parfaite qui va saisir ce que je veux dire. Mais le mental, lui, qui n'est pas parfait, ne pourra pas raccorder au niveau de la personnalité les deux personnes. Par contre, tu as des cas dans un séminaire où l'intuition est parfaite, puis le mental inférieur il est suffisamment délogé d'intuition pour qu'il ne fasse pas obstacle. Croto, c'est un exemple. Croto, quand il est venu à un séminaire, il est venu avec son intuition parfaite, il s'est assis, il a fermé sa gueule pendant 3 jours, il écoutait, puis son intuition parfaite rapportait à son mental supérieur de l'information sans que son mental supérieur ait obligé de faire d'efforts. C'est-à-dire que le mental inférieur était totalement neutralisé. C'est dans le mental supérieur que ça s'enregistrait. Mais ça s'enregistrait au niveau d'une perte de...